mil coisas, Luísa. Mas tu sabes que eu não tenho juízo. Há receios que tens de anseios que eu tenho. O que é que queres que eu te diga? E quero desvendar todos os teus mistérios e que vejas que o que eu digo é sério. Luísa, estou cego por ti. Vou fazer com que tu sejas minha. Vim-te aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te o nome. Sorriste e sem hesitar pedi-te o telefone. Sorriste-me o eco, mas guardei cedo e fala duas por hora. Luísa, quero-te encontrar. Job avec Francky l'après-midi. L'après-midi. Allez, on s'est le 16h40, 4 minutes. Un petit coucou à Estelle qui nous écoute du côté de Saint-Jean-de-Bray, à Pascal aussi, à Orléans, Olivier, Mathieu qui nous dit salut Francky, belle émission à toi. Un petit France Gall, bah voilà, ça tombe bien. Et là, la version club, 16h45. Puis nous invités qui arrivent tout à l'heure, l'association et musique improvisation. Pascal sera notre invité et Freddy aussi dans les jeux de la radio. Ça fait un grand plaisir de la retrouver. Et les espoirs, quelque chose qui Mister Job avec Franky l'après-midi. Mafio Flow Fire. Vamos para el party. Hay mucha mami, mucha mali en Miami, mucho money en Miami. Fast life, porque aquí no se duerme, mami. Yo soy de mi infierno. Tengo todo y yo hago lo que quiero. Me la paso viajando el mundo entero. Que en avión, en privado, comiendo bueno, yeah, yeah. Que traiga yeah, mi bebida. Yeah, yeah. Que tenga enseguida que estoy celebrando la vida. El lindo verá todo el mundo con la mano arriba. Es bonito estar con su gente cuando están activa. Este mambo da vida. Quiere mambo para bailar, yo tengo el mambo para gozar. Se me gusta como tú mueves el bum bum, pagata zum zum, pagata zum. Ella quiere mambo para bailar, yo tengo el mambo para gozar. Se me gusta como tú mueves el bum bum, pagata zum zum, pagata zum. Tú quieres y cómo lo quieres hacer. Esta noche nada nos detiene. En lo que tú quieras te voy a complacer. Aprovecha que la noche está revuelta y la misma no tiene dueño. Y te lo pago que yo pago la cuenta. Vete conmigo que a gozar que te enseño. Que traiga mi bebida. Enseguida que estoy celebrando la vida. El lindo verá todo el mundo con la mano arriba. Es bonito estar con su gente cuando están activa. Este mambo da vida. Quiere mambo para bailar, y yo tengo el mambo para gozar. Oye, como tú me ves a pum pum, pa' cantar son son, pa' cantar son son. Ella quiere mambo para bailar, y yo tengo el mambo para gozar. Si me gusta como tú me ves a pum pum, pa' cantar son son. After Job avec Franky l'après-midi. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore. Si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una mera canzone convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bisogno di chiedere la carità.

reprise d'Elvis Crespo avec Suavemente Cuba Club sur la française 96.2 FM. After Job avec Francky l'après-midi. Ah ouais, jusqu'à 18h30 on est là avec nos invités. Tout à l'heure Freddy sera dans les studios de la radio et on aura aussi l'association musicale et improvisation Pascal qui va nous parler de son assos en direct sur la radio aux couleurs. 17h01, le meilleur des souvenirs, la Camisa Negra qui arrive. Des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35, DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. On est au courrier.

Allez, Rachel, du son Caliente, c'est vrai que c'est pas terrible dehors. Hein. Courage à Biat, du côté de Saint-Jean-de-Bray, sur la route, dans les bouchons déjà, bah ouais, ça arrive. Hein. After Job. Avec Francky, c'est l'après-midi. Avec Francky, l'après-midi. Ouais, je peux pas parler du son qui arrive avec Gentleman sur l'arc-en-ciel. Et puis la météo dans quelques minutes. Et puis notre première invitée, l'association musique et improvisation avec Pascal, qui sera dans le show de la radio. Say what you wanna say, but I know you can't derail the plan. Not compromise, cause life is too short, can't wait until tomorrow. Enjoy my life, I ain't got no time to drown inside the sorrow. I see the future's bright and pretend. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready to bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitten. Fearless, we not run for cover. We now pull over, now pull over, now pull over. You and your negativity, we go over. You're so bad mind that me discover. You never mind it, but open up. We now pull over, now pull over. You and your negativity, we go over. You're so bad mind that me discover. You never mind it, but open up. If I would try to please everyone and fit in every gang, I wouldn't be me at all now. Follow the route and the rising up, yes, and not surprising everyone, yes, I will follow the call, yeah. None of the critics and praises, no poker faces. No, you couldn't be me now, no. I take the bricks and the stones, I build a bridge and a road, I mean, I follow no protocol. So do your thing, do your thing, do your thing. Gotta be your one a king, gotta be your one a king. Never let anything make you stop progressing. Never let negative stop you from winning. Obstacles in your way, just fail. Don't bother make them block you from the basics. From you see your dream, just get up and chase it. From your got life, then you must embrace it. I see the future's bright and pretty. After the rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready to bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitten. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we now pull over. But you can't be everyone's darling. Can't go about it, so I went darling. Thumbs up or down and everyone's talking. Some will love you, some will hate you. But you can't be everyone's darling. God's on the table, take it or leave it. I don't give a damn. Say what you wanna say, but I know you can't derail the plan. Not compromise, cause life is too short. Can't wait until tomorrow. The rain and storm is over, and it's bright like lights in the city. Ready to bust like supernova. We got the heart of a lion, not a kitten. Fearless, we not run for cover. And we not turn back, we are committed. Going full speed and we not pull over. Justement, l'arrivée de notre invité sur Radio Arc-en-Ciel avec Gentleman. La météo pour demain, eh bien, c'est pas terrible du tout. La météo. Demain, le ciel, malheureusement, est menaçant, gris, au lever du jour. Ça caille, hein, 12 degrés quand même. Hein. Ouais, c'est encore pas mal. Le ciel est couvert brumeux, avec des brumes en début de matinée qui vont devenir des pluies, malheureusement. L'après-midi, le ciel est très nuageux, avec de courtes éclaircies, possibilité d'averse en début d'après-midi. Donc demain, bah, le parapluie de rigueur est là. Ouais. Notre invité qui arrive dans 4 minutes, juste avant, le meilleur des souvenirs, et les Brothers Johnson à l'ancienne. Le son funky. À l'époque, on pouvait encore danser en boîte. Hein, pour l'instant, c'est restreint, mais on va bientôt revenir. Voici Stomp de Brother Johnson à 17h14. Et Pascal, notre invité, l'association musique et improvisation dans les studios de la radio arc-en-ciel dans moins de 4 minutes. Yeah. Sur Radar Cancel 96.2 FM. Bien, c'est nous dans l'après-midi, malgré le temps qui n'est pas terrible. Hein. Demain, ça ne va pas s'améliorer, je vous le dis. Notre invité qui est dans les studios, on l'accueille tout de suite, c'est Pascal en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. L'invité du jour en mode Covid. Radio Arc-en-Ciel avec un invité, pas plus, hein, on dépasse pas les limites autorisées. Bonjour Pascal. Salut Franck. Comment tu vas bien? Impeccable. Ça fait plaisir de te retrouver sur la radio. T'es déjà vu, moi aussi, ouais. Ouais, Association Musique et Improvisation, Pascal. On va parler de cette belle association. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est l'association de musique improvisation. Alors musique et improvisation existe depuis 2015. Ah ouais. On donne des cours de piano, ouais, essentiellement, avec un petit peu de chant aussi. Et puis des ateliers qui sont ouverts à toutes les voix et tous les instruments pour faire des groupes, pour monter des groupes. D'accord. Et à partir de quel âge on peut venir chez vous? Alors on peut commencer à partir de 4 ans. Ah ouais, tout petit. 4 petit, à 6 ans, ouais, il y a le cours d'éveil. 6 à 8 ans, le cours d'initiation. Et puis après, on peut faire le piano à partir de 6 ans. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui sur les instruments de musique? Le piano, la guitare, la... Alors le piano, ah, et après les autres instruments, c'est, ouais, pas trop mon point, mais le piano ouais, voilà, ça fonctionne tout le temps. C'est un instrument. Toujours un des plus joués. Ouais. Et puis, voilà la particularité qu'on peut jouer à la fois en soliste, tout seul, et puis à la fois en tant qu'accompagnateur. Donc, C'est toi qui as créé l'association, Pascal? Alors j'ai eu l'idée de l'association, et puis, ouais, après j'ai trouvé des amis pour pouvoir monter un bureau. Ouais. Parce que moi je fais pas partie du bureau, mais voilà. Donc là maintenant, bientôt on aura un changement de bureau avec toujours une présidente, un trésorier, ouais, un trésorier adjoint. Une secrétaire adjointe. Un local plus grand, c'est ça? Non. Alors le local, on est à la MAM, à la Maison des Arts et, ouais, de la Musique d'Orléans. Bas, on a un atelier là-bas, où j'ai un piano à queue et deux pianos droits dans ma salle, où on peut donner des cours collectifs, avec forcément tout ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà, les consignes et tout ce qu'on doit respecter. Voilà, donc... je suis essentiellement sur Orléans le mercredi et jeudi. Ouais. Et on a aussi un local à la salle des fêtes de Viglin. Bah, à Viglin? Voilà. Ah ouais, tout ce qui est rural. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien d'être aussi un peu à la campagne. Exactement. Ah. Il en faut aussi des écoles de musique à la campagne. Mais c'est bien parce que moi, ça évite les déplacements, les longs déplacements pour ceux qui habitent un peu dans les voilà, dans les voilà. Donc là, c'est vrai qu'on draine pas mal de petits villages à côté. Ouais. Vennes-sur-Cosson, Tigy. J'ai même des élèves qui viennent de Saint-Martin-d'Abat, de Cerdon-du-Loiret, voilà, Marcy-Yorvillette. Donc ça draine pas mal autour de Viglin. On peut apprendre à partir de 4 ans, mais on a de tous les âges qui viennent chez toi, même à 50, 60, 70, je sais pas, c'est un exemple. Ouais, de tous c'est les âges. C'est un bon exemple, ouais, parce que j'ai même des élèves qui commencent qui ont 79 ans. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc j'ai mon élève la plus âgée aujourd'hui qui a 81 ans. Ah, doit être sympa. Et qui a sympa. Démarré de zéro il y a 3 ans. Et maintenant, ça y est, c'est. Ouais, bah, c'est plaisir, et puis voilà, c'est plaisir, et puis. Et puis elle joue voilà, des morceaux qu'elle aime. Qui c'est qui apprend le plus facilement? C'est les enfants ou alors les plus anciens? Ah, c'est une bonne question. Je dirais que les enfants sont plus instinctifs, ouais. Donc ils vont jouer tout de suite. Ouais. Alors que les adultes et les personnes un petit peu plus âgées, ils vont, enfin les adultes aussi d'ailleurs, ouais. ils vont prendre le temps de comprendre ce qu'ils doivent faire, ouais. Etc. Mais au bout d'un moment, en fait, ça se recroise, quoi. Donc ouais. On apprend à peu près les mêmes choses en même temps avec une particularité, c'est que les enfants ils foncent tout de suite, quoi. Ouais. Comment tu étudies le dossier? Quelqu'un qui vient te voir, qui veut apprendre le piano, tu lui poses des questions, pourquoi, comment, non? Ou alors il vient comme ça naturellement et Alors oui, il y a plusieurs, ouais. Plusieurs petites choses. Il y a des critères, non? Non, il n'y a pas forcément. Non, il n'y a aucun critère. Non, on vient non, comme ça, comme. Voilà. Venez comme vous êtes. Exactement. Ah, c'est un peu comme une pub d'un certain ouais. On a failli la mettre sur le site, on a un site tout nouveau là, on a failli mettre ça sur le site parce qu'en fait c'est exactement ça. Et Yaf, tu t'attaques pas. C'est pour ça, on a finalement. On a choisi sympa, ce slogan, venez comme vous êtes. Ouais, on a choisi une école pas comme les autres. Mmh. Voilà pour le slogan et puis une touche d'émotion aussi. Voilà, c'est le petit slogan, le petit logo qu'on a sur notre logo. Et alors oui, en fait, je cherche vraiment à savoir ce que les gens veulent. Voilà, est-ce qu'ils veulent faire de la musique, tel type de musique, ouais. Est-ce qu'ils sont plus dans un style ou dans un autre, et ça n'empêche pas une ouverture d'esprit. Bien sûr. Essayer de leur faire jouer plein de choses différentes, et puis après, avec les semaines et les mois, là, ils sont plus, ils ont plus leur goût, ils ont plus leurs envies, mais ça leur permet aussi de voir d'autres choses qu'ils ont peut-être pas forcément au départ, pas forcément entendu ou écouté ou envie de jouer. Alors, entre les jeunes et les anciens, les jeunes ils veulent plus de la musique actuelle peut-être ou leur non, c'est plus rétro aussi, et les anciens c'est un mélange. Est-ce que c'est un mélange? Ouais, c'est un mélange parce que des générations, ouais, sur la musique. C'est un mélange parce que par exemple quand j'ai des jeunes qui viennent avec leurs morceaux, ouais, qui me disent tiens, je veux jouer tel morceau, etc. Du coup, je m'en sers aussi pour les plus anciens. Mmh. Donc voilà, il y a un échange et puis de temps en temps ils réécoutent des trucs quand même qui sont très anciens même. Ouais. Des fois c'est surprenant d'ailleurs. Ouais. Et puis ça leur plaît. Et puis voilà, on joue un peu de tout et on s'adapte vraiment à chaque ouais. cas, quoi. T'as des gens qui ont entre guillemets percé, qui se font des petites compos personnalisées. Alors oui, et qui arrivent peut-être à vendre après. Non, bon, c'est alors, bon, des Richard Klederman. Non. Alors entre autres, j'ai un exemple, c'est Christophe, notre ancien trésorier qui est parti dans la Normandie. Il est milliardaire aujourd'hui. Voilà. Et il a fait entre autres une chanson pour Clara, qu'il a écrit pour Clara. Voilà. Clara, ouais. Voilà. Donc du coup, voilà, et il compose souvent des chansons, voilà, autour de du bien-être, de l'amour, voilà, des choses plutôt positives. Et j'ai fait un grand coucou parce qu'il nous manque beaucoup depuis qu'il est parti. Ouais. C'était quelqu'un de très apprécié dans l'association. Et entre autres pour ses compositions, mais aussi pour son humanité. Ouais. Voilà. Le mode Covid, entre guillemets, hein, j'aime pas trop cette expression. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est facile pour vous? Je dis facile, attention, hein, c'est un grand mot. Ouais, parce ouais. Que aujourd'hui, c'est facile pour personne, hein, tout le monde est un peu en danger. Puis on sait pas trop où on va, c'est tout ça. Est-ce que vous avez une perspective? Est-ce que vous avez de l'avenir là? Est-ce que tu vois au-dessus de toi te dire dans un an ou deux, on peut pas? Alors nous, on arrive. On fait vraiment du cours en face à face. Voilà. Le virtuel, on n'y a pas encore touché. Le cours en ligne, par contre, on a mis en place vraiment depuis mai-juin toute la préparation du site. Le site, là, il est en ligne depuis une petite dizaine de jours. Ouais. Voilà, pour vraiment se faire connaître beaucoup plus parce que les forums ont été annulés. On n'a pas pu faire les forums des associations, etc. Et là, le préfet vient d'annuler les rassemblements de plus de 30 personnes. Je viens de voir pendant 15 jours. Les mariages, les baptêmes, tout ça, plus de 30. Hein. Donc en fait, la communication pour nous, elle est très compliquée. Ouais. Voilà, de se faire connaître. Par exemple, à la Maison des Arts, musique, c'est un très beau bâtiment et remercie la ville d'Orléans, mais par contre il n'y a pas de vitrine, quoi, donc les gens ne nous voient pas, on est à l'intérieur, on est en autonomie, ouais. Voilà, donc c'est vrai que les gens peuvent passer devant sans savoir qu'on est là et c'est ça aurait été quoi. Bien un local avec une grande vitrine et vous derrière et les gens ils passent, non mais ça serait bien, ouais, et vous regardez et puis ils peuvent apprendre le piano derrière la glace bientôt je crois, j'imagine, hein, un peu comme nous bientôt c'est des idées qui sont bonnes à prendre, ouais, c'est vrai, pourquoi pas. Maintenant qu'est-ce qui se passe, mais il faut essayer de trouver des solutions, des plans d'urgence, hein, pour sauver les entreprises et les associations surtout. Voilà, donc nous, un des plans d'urgence qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce site, et dans ce site on a la possibilité de réserver ses cours en ligne et notamment les sessions découvertes où justement, comme on parlait tout à l'heure, les gens viennent pour me rencontrer, donc ils peuvent s'inscrire à l'avance et décider de tel horaire et venir me rencontrer, voilà, ça dure une demi-heure et puis en général j'essaye de combiner avec le début ou la fin d'un cours d'un élève, comme ça ça leur permet de se croiser, de se parler, de se rencontrer rassurer et pas d'être isolé dans mon petit local là, ouais, avec juste la nouvelle personne qui arrive, quoi. Ça va, t'as pas pris un gros coup au moral avec ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est alors non, au niveau de l'association, ouais, on a vu qu'à Orléans les associations, ça a été annulé là, le truc de la sauce. On a perdu 50% de nos effectifs, hein, entre mars et après, quand même, là. C'est énorme. Voilà, mais on m'a dit que voilà, on n'était pas les pires. Il y avait des écoles de musique qui avaient démarré qu'avec 10% de leur effectif. Ah ouais, donc on n'est pas les plus mal lotis. Et puis là, ça redémarre un tout petit peu. C'est calme, quoi. Voilà, c'est calme. Mais il y a des gens, voilà, qui ont envie aussi de continuer, de faire des choses. Je pense qu'ils ont pas arrêté. Hein, comme la culture, c'est important. La musique, c'est important. Ouais, voilà. Là, tout est important aujourd'hui. Voilà. Après que les protocoles, bien sûr, qui sont en cours. Oui. Alors là, on a été un peu plus touchés, c'est dans la partie musicien. Ouais. Voilà. Toi aussi, ton voilà. Ouais, aussi, t'as un secteur où t'es en plein. On est charmé carrément. Voilà, t'es en plein boom. Donc voilà. Donc de ce côté-là, avec les tourneurs Fraser, par exemple, on est en train de préparer notre deuxième album. Ouais, le groupe Les Tourneurs Fraser, on a reçu à la radio il y a deux ans. Donc on est en train de préparer le deuxième album et on peaufine nos chansons, mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir les jouer en live et les roder en public avant de les enregistrer. Justement, parce que c'est ça qui le groupe qui compte, les Tourneurs Fraser qu'on adore, hein, sur Radio Arc-en-Ciel, et vous êtes souvent venus. Justement, pourquoi pas trouver un nouveau musicien avec Les Tourneurs Fraser par rapport à l'association, ça serait pas mal. Alors c'est une jeune recrue. Alors c'est fait. On avait chant piano, on avait Magali à la sculpture, voilà, qui improvisait une sculpture pendant qu'on faisait le spectacle et qui a aussi écrit des textes sur lesquels moi j'improvise au piano pendant qu'elle les dit. Donc c'est tout un fil conducteur à l'intérieur du spectacle. Et puis on a Anaïs à la clarinette. Qui avait joué sur deux titres sur le premier album et maintenant qui est partie toute partie intégrante des nouveaux morceaux et de la suite des événements. Donc on est deux gars, deux filles, deux musiciens, deux chanteurs, voilà. Le protocole sanitaire quand les jeunes arrivent ou les anciens chez toi, il faut pas quoi nettoyer. Alors moi j'ai un produit comme tout le monde ici, la radio aussi, on a un petit spray là. Un alcool ménager pour nettoyer les pianos quand ils sont pas trop anciens, quand c'est des pianos avec des vernis modernes. C'est pas facile à nettoyer. Et puis on évite que les gens se croisent. Voilà, il y a le à l'intérieur de la MAM, il y a le gel hydroalcoolique pour à l'entrée et les masques. Ouais. Les clarinettes avec le masque, ça va pas être facile. Alors ils ont une distance à respecter. Bien sûr. Bon, il y a des choses qui se préparent alors avec l'école de musique, ton école, ton association. Alors on a normalement une audition des élèves prévue le 31 janvier. Ça fait du bien quand même de faire des choses, non? À la MAM, il faut qu'on réserve les dates à l'avance. Donc on en aura une aussi certainement au printemps sur Villain. On essaye d'en faire deux, sauf que là cette année ça a été annulé. On essaye d'en faire deux, une sur Orléans, une pour Villain, pour que tout le monde puisse y participer et puisse venir. Et voilà, c'est déjà une grosse organisation. Alors c'est pas facile aujourd'hui pour les assos de vivre, de survivre. D'ailleurs, c'était pas facile à l'époque. C'est un peu moins facile. Toujours des aides. Vous avez quelque chose pour Alors on a eu, qui on a vous eu aide. Une aide. Qui vous aide? Alors on a eu une aide. Ouais. On a eu une aide du FDVA, c'est le département. Voilà, c'est une aide. La région. Voilà, c'est une aide qui est après dispatchée par département. D'accord. Donc on avait monté un dossier. Cette aide nous a servi à l'époque. C'était déjà il y a deux ans, à rémunérer le prof qui donnait les cours gratuits. Donc c'était moi, c'est dans l'association, on a des cours gratuits. Voilà, ça peut paraître un peu étrange, mais quand on est adhérent, quand on est adhérent, on profite des cours gratuits. Ouais. Et là, la particularité de ces cours gratuits, c'est qu'on va en faire un petit peu moins en présentiel, donc en face à face, pour que ça puisse tenir dans le planning. Bien sûr. Et puis, par contre, ils seront filmés, mais donc je vais faire des montages et je vais les proposer à tous les adhérents. Voilà, par en ligne. En ligne, comme ouais, ça, même s'ils n'auront pas pu se déplacer ce jour-là et profiter du cours gratuit, bah du coup, ils auront un cours, un échange avec ce qui se passe dans l'association. Et donc, ça, c'est en train de se mettre en place. Là, je pense que courant bonne octobre, idée. Ça devrait démarrer. Ah, bonne idée. Combien d'adhérents chez vous actuellement? Alors, on a fini avec 62 adhérents au mois de mars, et là, on doit être à 33. D'accord, ça a descendu, malheureusement. Alors comment on fait pour vous joindre, vous contacter si on veut devenir adhérent chez vous et puis faire de la musique? Alors il y a le site, qui est tout nouveau, tout beau, musique et improvisation avec un S, improvisation@.fr. .fr, notre adresse Gmail, musique-et-improvisation@gmail.com. Et puis le numéro de téléphone, je le donne aussi, 07 83 48 60 73. Et c'est moi qui réponds directement. C'est moi qui ai la ligne. Ouais. Comment alors l'avenir aujourd'hui? Parce que tu me dis moins d'adhérents. Ça te fait peur, toi, personnellement? Alors. La musique peur, existera peur, toujours. Oui, hein. Peur non, mais c'est vrai que les gens sont bien qu'il y a un peu de frilosité. Il y a certainement aussi des gens qui ont perdu beaucoup. Voilà, donc ça donne pas envie forcément de se mettre au piano. Après, voilà, bon. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux personnes qui nous écoutent, qui veulent, bah, tiens, et bah, que le piano, le fait d'en jouer, ça procure beaucoup de bien-être. Ça déstresse, hein. Voilà, hein. Exactement. On peut casser ses liens sur un piano. Et pendant qu'on fait du piano, on pense moins aux autres choses aussi. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de ressources et d'avoir la tête en pleine forme. Donc, du coup, bah, voilà, quand on est en train de jouer, bah voilà, on pense à moins de choses, et si on passe beaucoup de temps derrière son piano, bah du coup on voit pas le temps passer, et plus on en passe et plus on s'améliore, etc. C'est un petit peu un cercle. Voilà, il faut en faire un petit peu chaque jour, et le fait d'en faire, bah on s'évade, et puis on apprend, et puis nous, dans l'association, il y a beaucoup de partage, donc les gens se croisent, les élèves jouent ensemble, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie de maintenir, c'est ça qu'on essaie de maintenir et de mettre en avant. Ouais. Pour une personne qui est novice, en combien de temps on apprend le... Ah, c'est une question bête peut-être, ouais, je sais pas. Non, pas bête, mais ça dépend tellement des gens. Ouais, ça dépend des personnes, mais en règle générale, en combien de temps on peut commencer à jouer un peu de piano? Alors, en règle générale, ouais. Donc je vais faire des généralités. Ouais, en règle générale, quand on vient me voir, on joue dès le premier cours. Dès le premier cours, voilà. D'accord. On joue, on se fait plaisir, on découvre comment jouer du piano et ce qu'on peut faire avec un piano. Voilà, ça prend quelques semaines, quelques séances. Voilà, donc là, on est pas du tout avec partition, on est vraiment sur la découverte de l'instrument et se faire plaisir. On peut même le faire à plusieurs. On donne des cours collectifs dans musique et improvisation, où j'ai trois pianos dans ma salle. Ouais. Des pianos acoustiques où tout le monde joue ensemble et tout le monde apprend ensemble. Et puis après, voilà, pour commencer à faire ses propres morceaux, jouer des morceaux qu'on aime, ou je dirais qu'il faut 6 mois, un an, quoi. Je pense que c'était en 15 jours. Voilà. Non. Parce qu'il y a des cours, des tutos, ça marche pas, ça. Oui. Alors. Si. Alors, oui, non. Si, peut-être. Ouais, il faut parler aux gens, parce que des fois, les gens, ils vont sur Internet. Alors, il y a des très bonnes choses, Moi, je regarde un petit peu de temps en temps ce qui se fait, Après, je pense qu'il faut, si on veut avancer vite, et pas perdre trop de temps, il faut avoir quelqu'un derrière qui permet de corriger ses défauts. Bien sûr, voilà, parce que le tuto, on ne sait pas corriger. Voilà, on fait ce qu'il y a, on fait visuellement, on reproduit. Voilà, c'est du mimétisme, par reproduction. Et du coup, voilà, si on fait des erreurs, comme moi, par exemple, à l'époque, quand j'ai commencé le piano, on m'a pas tout expliqué comment se tenir au piano, etc. J'avais fait des mauvais gestes et des mauvaises postures et j'en, voilà. Les gardés. Non, quand il a fallu les corriger. Ouais, parce que je sentais bien que, quand je faisais de la scène, etc., je sentais bien que j'avais des douleurs un peu partout et que c'était pas normal. Ah ouais, il y a une posture à tenir. Voilà. Et donc maintenant je fais très attention à ce que les élèves apprennent avec sans forcer, sans se fatiguer et sans se faire mal surtout. C'est vrai, parce que pour le dos on est tout le temps assis sur un petit tabouret là, donc faut faire attention. Et puis quand on c'est une histoire de tension et de détente. Il faut arriver à jouer du piano sans forcer. Pour un petit exemple précis, quand on appuie sur une touche de piano, il faut 20 grammes pour avoir du son. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un âne. Dingue, Little Richard à l'époque. Voilà. On peut jouer du piano debout, comme disait France Gall. Ouais. Ça peut être sympa. D'ailleurs, un petit aparté sur le morceau que tu as passé tout à l'heure. Ouais, elle là, elle là. Ouais. Voilà, c'est le deuxième morceau que j'ai joué sur scène. Ah ouais, voilà, c'était dans les années 90. Donc ça ne remonte pas tout de suite. Mais voilà, à l'époque, j'étais en. Je chantais de l'adolescence, quoi, et j'avais commencé les cours de piano, et mon prof m'avait fait jouer ce morceau-là sur scène, pour l'audition. Donc, un bon souvenir. Quand j'ai entendu en venant à la radio, je me suis dit, Donc, on peut vous retrouver à la MAM, Oui. À l'association musique improvisation, et à Viglin. Oui. C'est à quel côté de quelle grande ville, Viglin? Eh ben, il y a Tigy sur Loire, Vannes-sur-Cosson. C'est bien d'être un peu dans les campagnes comme ça, pour les jeunes qui veulent. On essaie d'être à la fois Vous voulez un peu développer? Est-ce que vous comptez développer un peu plus, par exemple, d'autres villes, d'autres petites villes? Pas forcément les grandes villes, Alors, en fait, on est toujours à la recherche d'un local. Ouais. Un local, parce que là, par la mairie, Ça serait bien. On espère, ça serait l'idéal. Ouais, les mairies, faut être honnête, les mairies ont toujours un petit local à prêter. Attends, faut être sympa. Ce que fait Orléans aujourd'hui avec la MAM. Nous, on a tout ce qu'il faut au niveau matériel. J'ai plusieurs pianos, droits, quelques pianos à queue aussi, qu'on peut mettre dedans. Donc, au niveau matériel, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'il nous faut, c'est un local, qui puisse être fermé. Et donc, ça peut être, on a visité des choses sur Jargeau, on a visité des choses C'est bien, moi je trouve ça sympa dans les petites villes, sur les ressources, donc après ça peut être aux alentours de Viglin, pourquoi pas. Donc oui, on est ouvert à toute proposition et voilà. Ça peut être aussi sympa pour les gamins de quartier, entre guillemets, hein, pour les sortir un peu du quartier de l'ordinaire, apprendre le piano. Bon, ça va peut-être les faire rire les jeunes aujourd'hui parce que c'est tout pour le rap, etc. Ouais, certains, bah, mais ça pourrait peut-être les aider, ça. Je sais pas. C'est une idée. Hein. Ouais. Nous, on a une bonne rencontre avec notre premier CD et les Tourneurs Fraser où on a fait un rap. Voilà, la première fois que j'ai joué un rap avec Tushiland. Ouais, ouais. Et voilà, c'était une bonne rencontre et on a fait un rap qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube. Ouais, on ira voir. Voilà, où les gens, les jeunes peuvent aussi se projeter sur des choses où le rap, c'est pas forcément que des musiques faites, toutes faites, en fait, ça peut aussi être fait avec des musiciens. C'est ça, avec des musicos. Pourquoi pas. Ouais. Je vais te laisser le mot de la fin, d'accord. Pascal. Alors, ton dernier mot, ça serait quoi comme déjà, un grand merci à toi de ton nous aussi, on est une assoce, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. Bon. Donc, et puis, le dernier mot, c'est n'hésitez pas, si vous avez un petit doute sur comment apprendre ou pourquoi pas moi, pourquoi lui y arrive et puis pas moi, etc. Il y en a qui ont peur des fois où ils hésitent, ils disent moi je suis nul. N'hésitez pas à m'appeler et puis on discute et puis vous venez me voir et puis je vous explique un petit peu comment nous on procède avec la particularité de partager de la musique et de se faire plaisir avant tout. Ah, c'est sympa. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'examen de fin d'année. Il n'y a rien. On vous tape pas sur les doigts. Hein. Non, on évite. En tout cas, pas le premier cours. Bien sympathique, Pascal, votre invité aujourd'hui de l'association Musique Improvisation. Merci beaucoup. On va mettre le lien, bien sûr, pour vous retrouver. Et puis n'hésitez pas, vous qui hésitez encore à faire du piano ou autre, à joindre Pascal. Ça, peut-être que vous avez un avenir devant vous, maintenant que tout ce qui se passe. Merci, exactement. Pascal. De rien, merci à toi. On se va faire la photo et puis voilà. Hein. Ok, très bien. En direct, 17h37, le meilleur des souvenirs avec Sharon et Supernatural. We'll be right back. After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens. À 17h44 en direct, et je vous rappelle, Pascal a oublié de le préciser tout à l'heure, hein, l'école de musique, vous pouvez y aller toute l'année, hein, il n'y a pas d'inscription en septembre, en octobre, en janvier. Toute l'année, l'école, vous êtes ouverte, l'association musique et improvisation. Je vous ai mis le lien sur ma page Facebook, allez voir. Vous allez voir plein de belles choses. Voici les Holby Land Prayer avec Boogie, Boogie Wonderland. Yeah. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous avez un message à faire passer. Moi j'ai un message, hein, ça y est, le préfet vient de mettre en place un décret là, le préfet de Loiret, avec l'interdiction de rassemblement de plus de 30 personnes. Et ça durant 15 jours hein, sur les mariages, baptêmes, anniversaires dans les salles privées, voilà. Donc soyez prudents, faites gaffe aux amendes, hein, ouais, ça va tomber, encore l'État français, toujours et encore, ouais ouais. 17h49 en direct avec du bon son, le remix de Julien Doré, c'est Coucou Caline sur Radio Arc-en-Ciel. Sur la plage, Coucou Caline, ton corps si vague, sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noire. C'est le 17h52 minutes et moi j'aurais bien voulu être livreur de pizza. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'aux États-Unis, un livreur de pizza de 89 ans a cartonné et franchement, je vous dis, un pourboire de ouf. Et imaginez-vous combien il a eu, 12 000 euros de pourboire. Et c'est pas déconner, on lui a fait un chèque d'une famille qui livrait depuis des années régulièrement, la famille Valdez. Eh bien, ils ont fait un chèque de plus de 10 000 euros de pourboire. Moi, demain, je vais faire un livreur de pizza. Ouais, pourquoi pas. Et ça s'est passé aux États-Unis. Voilà, comme quoi, ça peut payer hein, dans la pizza. Voilà, du son caliente avec le meilleur des souvenirs. Gloria Estefan, Oye, mi cuerpo. I know you're watching. Appelle le 02 38 43 48 00. After Job avec Francky, c'est tous les lundis et mardis sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Shimmy ya, drink. Swalla la la, drink. Swalla la la, swalla la la. Shimmy shimmy ya, shimmy ya, shimmy ya, drink. Swalla la la, drink. Swalla la la. Shimmy ya, shimmy ya. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears is red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' follow that. Champagne. Shimmy ya, shimmy ya, drink. Swalla la la, drink. Swalla la la, swalla la la.

quasiment pas changé, Kylie Minogue. Je suis en train de regarder les photos d'elle actuelle. Ouais, c'est toujours la même, hein, toujours aussi belle, magnifique. Le meilleur des souvenirs dans les années 90. Et ouais, quel titre, quel titre. Et puis, je voulais faire un petit après-midi, avec plein de souvenirs. Et puis là, forcément, ça vous rappelle de très bons moments. Murphy's Law sur Radar Arc-en-Ciel. Écoutez, quel souvenir en club à l'époque. Les gamins qui se marrent derrière. 1985, c'est ce que me dit Benoît. Ouais, certainement. Le meilleur des souvenirs. Murphy Law sera la conseil. La météo pour demain. Aïe, aïe, aïe. J'ai des mauvaises nouvelles. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. La météo. Demain, le ciel est chargé, menaçant, nuageux, des risques de pluie demain matin, les températures au lever du jour, on ne dépassera pas les 12-13 degrés, et l'après-midi, on va aller jusqu'à 16-17 degrés avec quelques averses, quelques petits rayons dans le sol, rayons de soleil, mais très très timide, hein, et des pluies malheureusement en début d'après-midi, voilà. Donc demain, bah, si vous avez le KOE à l'ancienne, n'hésitez pas. Bruno Mars qui arrive pour le meilleur des souvenirs. So beautiful, and I tell her every day.

18h13 sur l'arc-en-ciel avec Joseph Salvette, Open Season. Et là, j'ai le tube de l'été 1979. Et ouais, il a été écrit par Didier Barbelivien, son meilleur ami. Un bon souvenir avec Eric Chardin. L'été sera chaud. On va profiter un petit peu encore du peu de temps qu'il nous reste demain. Encore un petit rayon sur le sol. 1977, l'un des tubes de l'été. L'été sera chaud. D'Azur à Saint-Malo. Ça va vous rappeler quelques souvenirs de vacances pour certains. Avec Jean-Jacques Puissant, ouais, c'est son prénom, Eric Chardin, qui est né en 1942 à Haïphong. Eh ouais, un bon souvenir, écrit par Didier Barbelivien. J'adore, le meilleur des souvenirs, on se prend un petit peu en mode vacances. Rodrigo, 18h17, un petit coucou à Pascal du côté de Saint-Jean-de-Bac, une liste. Salut Francky. Le judo qui reprend, bah ouais, ça y est, c'est reparti sur les tatamis. Bah ouais, on peut encore s'amuser, hein. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Voilà, c'est le numéro du standard, puis le standardiste, bah c'est moi. 02 38 43 48 00. Allez-y, lâchez-vous sur le téléphone jusqu'à 18h30. C'est l'after job. J'ai envie de te voir réveiller, oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sois avec moi, j'ai envie de te voir réveiller. Oublier tes stress, te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Sous le soleil brûlant de l'océan Indien, on dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée, l'air enjoué comme ma princesse. Mon appétit, hello,

Laurent, je vous retrouve demain à partir de 17h jusqu'à 19h, direction RDP International au Portugal avec Grégoire, mon ami, en souvenir de nous demain, 17h, 19h.